Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? S'il me restait 24 heures à vivre, je passerais de pleurs à rire, le cœur à vivre. À prendre sur moi avant que la peur n'arrive. Direct, je dirais aux miens que je les aime. Famille, amis, proches, c'est bien que je les ai. Pour supporter que la vie m'a dit stop, je dirais à ma mère merci pour tout. Plus j'avance, plus je me dis que je te ressemble et je t'estime beaucoup. T'étais mon roi, ma reine pendant une grande part de mon existence. J'espère ton poids s'allège quand t'entends ça, je crois que c'est une évidence. Je voulais te rendre fier, je sais que des fois je me renferme. J'ai 24 heures pour te remercier de nous avoir sorti de l'enfer. Dis à mon frère, depuis 22 piges, y'a rien de pire que d'imaginer qu'on s'éloigne ou que notre lien se brise. Pendant toutes ces années, mon jumeau était présent. Lui trop gentil, moi un sale con, je regrette certains événements. Je lui dirais que je suis désolé, j'ai pas un mauvais fond. Il comprendra et je l'aurais dit, même si après ces mots je m'effondre. Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi si star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? S'il me restait 24 heures à vivre, j'irais voir mon père pour lui dire que j'arrive, espérant que la mort efface les plaies. Je roulerai un gros spliff pour apaiser toutes mes peines. Et j'écrirai ce titre, puis je le poserai avant tout de s'éteindre. J'irai voir mon frère et ma mère, les serrer dans mes bras. Je leur dirai que je les aime, je sais que c'est dur, mais le temps vous aidera. S'ils font dans l'arme, je ferai de mon mieux pour les réconforter. Je m'excuserai à eux pour la manière dont je me suis comporté. Je dirai à Sarah que sans elle, je serais mort depuis longtemps. Moi aussi, j'ai le cœur qui saigne et que ses mots sont durs à entendre. Droit dans les yeux, je lui dirai qu'elle est toute ma vie. Que je veillerai sur elle dans les cieux, que mourir est une chose qui arrive. Si c'était mon dernier jour sur terre, je profiterai de mes dernières heures. Si ma vie arrive à son terme, je ne veux pas finir seul. J'irai embrasser mes grands-parents pour la dernière fois. Leur dire que pour moi ça va, je pars en paix, qu'ils ne s'énervent pas. Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Avec 24 heures à vivre, j'appellerai ma mère pour lui dire que j'arrive. Excusez-moi si je n'arrive plus à rire, mais c'est clair que je lâcherai la musique. Non, je ne lâcherai aucun frère, mais quoi veux-tu que je commence à écrire? Faudrait du temps avec ma petite Julie. Faudrait du temps avec le Yann, toute ma petite famille. Je crois que je dirai enfin à mon père que je l'aime. Je l'ai jamais vu, ou peut-être une fois, mais faut vraiment que je lui dise. J'irai voir mes deux sœurs aussi, leur dire qu'on se reverra au ciel. Contre temps, je leur ferai des signes. Connaissent la place qu'elles prennent dans mon cœur. C'est grâce à elles que je vole et que j'arrive à prendre la hauteur. Mais il n'y a qu'écrire qui me fait planer. Jusqu'à maintenant, il n'y a que ça qui a guéri mes plaies. Je n'ai plus que 24 heures à vivre et c'est difficile d'écrire sans même un avenir. Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Si j'avais 24 heures à vivre avant de partir, je les compterais en seconde. Je dirais à mes parents que je les aime à fond juste avant de quitter ce monde. Je ferais en sorte de pas dormir la veille, je ferais une fête mortelle. Mais sans rien dire à tous mes potes pour pas leur faire de la peine. Je dirais merci à ceux que ça concerne et pardon à ceux que j'ai déçus. Je vois trop souvent on sert de ceux qu'on aime le plus. Je ferai un dernier son en guise d'adieu, un dernier kiff. Un au revoir à ceux qui me sifflent, à plus tard pour ceux qui me suivent. Je m'en irai avant mes parents, c'est mieux qu'après eux. J'ose même pas y penser, les pertes seraient pires que la mort à mes yeux. Je leur dirais que je m'en veux d'avoir été si paresseux. Que jamais je les oublierai, on s'aimait fort même si on se parlait peu. J'irai voir mes grands-parents sur leur tombe au cimetière. Les prévenir que j'arrive, leur confier ceux dont je ne suis pas si fier. J'aurai la chance de me repentir avant de partir en paix. Me dit que la mort est le moyen le plus rapide pour enfin fuir l'enfer. Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi star avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air? Imagine-toi si t'as avec 24 heures à vivre. Te bougerais-tu ou resterais-tu là comme un idiot? À te demander ce qui ne va pas, ce que t'aurais pu faire. Pose-toi la question, que ferais-tu si t'avais plus d'air?